Chapitre 2e, l'amorce. Le valet de pied conduisit Salavert dans le petit salon. L'entrée du maître clerc fut saluée par des hurrahs et par un feu de fil d'interrogation. « Monsieur le Basochien, lui dit Martineau, tu vas nous expliquer l'énigme de cette invitation d'un Américain que nous ne connaissons ni d'Ève ni d'Adam. « A-t-il un procès à me confier ? Demanda Maxou. « De quelle maladie faut-il le guérir ? Reprit le docteur Cabarrox. « Veut-il fonder un journal franco-américain ? Poursuivit le journaliste. « Mes enfants, pour l'amour de Dieu, ne me parlez pas tous à la fois !» répondit Salavert en se bouchant les oreilles. Lorsque le calme fut rétabli, il continua d'un ton solennel. « Impossible de vous fournir d'autres renseignements que ceux qui vous sont connus. J'ai été chargé par mon patron de garnir de meubles et de valetaille l'hôtel de Sir John Colfax. Néant pour le reste. Alors pourquoi cette triple invitation ? Firent les trois jeunes gens. L'invitation est quadruple, attendu que je suis aussi du dîner, répliqua Salavert. Et ce qu'il y a de plus surprenant dans tout ceci, c'est que l'invitation nous vient de Miss Colfax. C'est une Américaine en quête d'un mari, dit Martineau, en se regardant complaisamment dans une glace. « Est-elle jolie, au moins ?» demanda Cabarrox en essuyant les verres bleus de ses lunettes. « Miss Colfax avait un voile qui lui cachait le visage, » reprit Salavert. « Ce doit être un monstre, » conclut le docteur. « Tout ce que je peux vous dire, » poursuivit le maître clerc, « c'est que le papa est immensément riche. Je gisante après les honoraires dont il m'a gratifié. » Il leur montra le chèque qu'il avait reçu. « 40 000 francs !» exclamèrent les trois amis, tout ébobillés. En ce moment, la porte du petit salon s'ouvrit, et une jeune femme éblouissante de jeunesse et de beauté se montra. « Flavia !» s'écria Maxou, stupéfait. « Mademoiselle Morin ?» dirent simultanément Martineau et Cabarrox. Salavert, en entendant prononcer ce nom, faillit tomber à la renverse. L'énigme, loin de se débrouiller, devenait pour lui plus inexplicable que jamais. Flavia était vêtue d'une robe en cachemire blanc. Sa chevelure opulente, roulée en couronne, laissait apercevoir le cou le plus aristocratique en le découvrant jusqu'à la nuque. Ses yeux d'un bleu sombre avaient tour à tour, selon qu'elle le voulait, la douceur du regard des blondes ou l'acuité du regard des femmes brunes. « Je le vois, messieurs, » dit-elle en s'approchant de Maxou, du journaliste et du docteur. « Vous m'avez reconnu malgré ma transformation ? À vous ? C'est vous ?» reprit l'avocat, en serrant plusieurs reprises les mains de la jeune fille. « Moi, c'est moi, » répondit-elle. « Moi qui n'ai rien oublié du passé, ni l'infamie de ceux qui ont voulu me perdre, ni votre dévouement, mon cher défenseur, ni le vôtre, messieurs, » ajouta-t-elle en se tournant vers Martineau et Cabarrox. « Oui, après m'être expatrié, me voici de retour, et ma première pensée était pour vous. » Il donna aux trois jeunes gens une de ces cordiales poignées de main que l'Amérique a mise à la mode. « Merci de ce bon souvenir, » lui dit le journaliste, qui toujours sous le coup de l'étonnement, ne trouva dans son répertoire rien autre chose à répondre. « Oh, ne me remerciez pas !» repartit Flavia, « car j'ai encore besoin de vous. Mais plus heureuse qu'autrefois, je pourrais reconnaître vos services. Je ne suis plus l'institutrice condamnée comme empoisonneuse. Je suis la fille de Sir John Colfax, et je possède une force à laquelle rien ne résiste, la richesse. » Sir John Colfax entra. « Présentez-moi vos invités, ma fille, » dit-il à Flavia. Flavia nomma tour à tour les trois jeunes gens, et l'Américain tendit la main à chacun d'eux. « Messieurs, poursuivit-il ensuite, vous vous êtes montrés autrefois les amis dévoués de Mademoiselle Morin, et je serai heureux de devenir le vôtre. » Martineau, Cabarrox et Maxou s'inclinèrent en signe de consentement. Salavert crut devoir imiter leur exemple. Un valet doré sur toutes les coutures parut à la porte qui communiquait du petit salon à la salle à manger. « Mademoiselle est servie, » dit-il. Flavia prit le bras de Maxou et les autres convives suivirent. Salavert s'était distingué dans le choix du cuisinier-chef. C'était un maître et science en fait d'art culinaire. Le dîner qu'il avait composé était un véritable chef-d'œuvre. Maxou et ses amis, quoique habitués aux fluctuations de la vie, n'étaient point gens à tomber en extase devant un festin succulent. Cependant, ils durent s'avouer que bien rarement ils avaient été confiés à de pareilles agapes. Les plats n'étaient pas nombreux, mais quel choix ! Avec quelle science merveilleuse il avait été procédé à leur confection ! Il en fut de même des vins. Un Bordeaux au retour de l'Inde pour ordinaire, clos rougeau au rôti, vin de champagne de Roederer au dessert, Très gai, fut le repas. Sir John Colfax, quoique habituellement sobre de parole, raconta des histoires de l'autre monde devant lequel eussent pâli les récits du capitaine Mainhead. Mais ce qui impressionna le plus vivement les auditeurs, ce fut lorsqu'il retraça, avec une sombre émotion, le drame sanglant dont Flavia avait été l'héroïne. Il le termina en disant « Vous savez maintenant, messieurs, comment Mademoiselle Morin est devenue ma fille ?» Rien ne dispose plus aux confidences que les copieuses libations et la fumée des cigares. La glace était rompue, et l'Américain comprit que le moment était venu d'aborder la grande question. « Je vous ai raconté, dit-il aux quatre jeunes gens, les événements terribles à la suite desquels Flavia avait remplacé près de moi ma chère fille assassinée. Il me reste à vous apprendre l'engagement que j'ai pris en devenant son père adoptif. » Tous quittèrent leurs cigares et prêtèrent l'oreille. « Vous n'avez jamais douté de son innocence, n'est-ce pas, messieurs ? » continua-t-il. « Comme moi, vous avez compris que la vraie coupable n'était point celle que la justice avait frappée et que derrière la pauvre condamnée était un crime demeuré impuni. « Je l'ai toujours pensé, » dit Maxou. « Moi, je suis certain, » répliqua Sir Colfax, et il ajouta d'un ton grave. « Lorsque la loi est impuissante, le droit naturel commence, œil pour œil, dent pour dent. C'est ainsi que nous procédons dans mon pays, et je me suis juré de faire de la cause de ma fille d'adoption ma propre cause et de sa vengeance la mienne. « C'est juste, » répliqua Maxou, « mais la France n'aime point l'Amérique, et nous ne reconnaissons pas, nous autres Européens, votre juge Lynch. « Ce que j'ai résolu sera, » répondit Colfax, « mais pour accomplir cette œuvre de légitime revendication, » fit-il en enveloppant les quatre jeunes gens d'un regard profond, « nous avons besoin d'auxiliaires dévoués. » Les quatre jeunes gens échangèrent un sourire significatif. « Tiens, tiens, » glissa Martineau à l'oreille de Cavarox, « c'est la carte à payer. » « Je dirais que j'ai oublié mon porte-monnaie, » pensa le docteur. « Diable !» se dit Salavert, « le dessert manque de gaieté. » Maxou se disposait à répondre. Flavia ne lui en laissa pas le temps. « Rassurez-vous, messieurs, » dit-elle en souriant, « la petite vengeance que je compte tirer du mal qui m'a été fait ne comportera ni l'intervention des gendarmes ni celle des juges d'instruction. À la bonne heure !» s'exclama Martineau. « À la bonne heure !» répétèrent Salavert et Cavarox. Ma chère enfant, repartit Maxou, quoique vous n'ayez prononcé aucun nom, ce nom je le devine. Vous voulez vous venger? Très bien, mais comment? Et puis, qu'avez-vous par-devers vous? De simples présomptions, mais pas la moindre preuve. Patience, répondit l'ancienne institutrice. Cette preuve qui me manque, je l'aurai bientôt. Ce sera le crime lui-même qui, devant vous, devant moi, devant vous tous, messieurs, se dénoncera. Les quatre jeunes gens se regardèrent avec étonnement. Docteur, poursuivit Flavia en se tournant vers Cavarox, croyez-vous aux agents mystérieux qui peuvent, en quelque sorte, séparer l'âme du corps et anéantir la volonté? Je crois au magnétisme, à l'électricité, au chloroforme, mademoiselle, repartit le docteur. Moi, dit Flavia, je crois à la puissance d'un breuvage qu'emploient les Indiens pour arracher à leurs ennemis les secrets qu'ils veulent connaître. « La liqueur qui fait parler, » répliqua Cavarox d'un air incrédule. « Oui, en effet, j'ai lu cela quelque part, dans des romans. Vos yeux verront, vos oreilles entendront, si M. Salavert veut bien me prêter son concours. « Que faudra-t-il faire, mademoiselle ?» demanda avec empressement l'ambitieux maître Claire. « Oh, peu de choses. Introduire une jeune négresse, qui est à mon service, chez la personne qui subira l'expérience que je désire tenter. Et il vous sera d'autant plus facile de me rendre ce petit service que votre patron, maître la carrière, est le notaire de cette personne. « La duchesse de Valombreuse, » dit Salavert. « La duchesse, » répéta Flavia. Cavarox fit un soubresaut. « Mais c'est l'une de mes meilleures clientes, » répliqua-t-il. « Alors, docteur, c'est vous que je chargerai de cette introduction. « Mais, » fit Cavarox, « que vous rapporte la clientèle de la duchesse ?» interrompit Sir John Colfax. « Environ 2 000 francs par an, » répondit le docteur. Le riche Américain eut un sourire rempli de dédain. « Messieurs, » poursuivit Flavia en s'adressant aux quatre amis, « si j'ai une revanche à prendre avec Madame de Valombreuse, n'avez-vous pas la vôtre à prendre avec la vie? Qu'avez-vous fait jusqu'à ce jour? Malgré vos mérites, Malgré tous vos efforts, vous n'avez pas pu vous élever au-dessus de la couche inférieure où vous a relégué votre pauvreté. Hélas, soupira le maître clair. C'est la vérité, murmura à son tour Cavaroux. Bon, l'horizon s'éclaircira un jour ou l'autre, repartit philosophiquement Martineau. Eh bien, reprit-elle, puisque la fortune vous a traité en marâtre, j'entends-moi réparer ses torts envers vous. Voyons, que voulez-vous, Salavert ? Une étude de notaire, répondit-il. Vous l'aurez. Et vous, Martineau ? La direction d'un grand journal. C'est convenu. Et vous, docteur ? Une riche clientèle. Je vous le promets. Et vous, maître Maxou ? Moi, je ne veux rien que vous servir. S'il m'est prouvé que votre vengeance est légitime, et lorsque vous m'aurez appris comment vous entendez vous venger. Je prends acte de vos paroles, répondit l'ancienne institutrice. Et moi, pareillement, répliqua Maxou. Eh bien, docteur, c'est convenu, n'est-ce pas ? Continua Flavia en se tournant vers Cavaroux. Vous vous occuperez de caser ma jolie négresse chez la duchesse de Valombreuse le plus tôt possible. Dans 8 jours, ce sera fait, dit le docteur, après un instant de réflexion. Et quel rôle nous réservez-vous à Salavert et à moi ? Demanda Martineau à la fille adoptive de Sir John Colfax. Lorsque j'aurai acquis la certitude que la duchesse est coupable, je vous dirai ce que vous aurez tous les deux à faire, répondit Flavia.